Là, on est le 2 novembre. C'est la quatrième fois que j'essaie d'enregistrer la prière. Il est 7h moins quart le soir. Et puis, il fait très noir. Je suis installé devant la mosquée. J'attends l'arrivée du prieur pour pouvoir l'enregistrer. On s'est fait réveiller par ça à 4h30 du matin, et puis il y en a 5 dans la journée, puis la dernière est à cette heure-là.